Tiré de Contes du pays gallo d'Adolphe Auret, les éditions de l'Omnia présentent Le panier de pêche. Une bonne femme, veuve, avait trois fils pour lesquels elle rêvait tous les bonheurs imaginables. Aussi était-elle constamment à la piste des événements qui auraient pu les rendre heureux. Un jour, elle apprit que le roi avait fait publier, à son de trompe, qu'il donnerait sa fille en mariage au jeune homme qui lui apporterait les plus belles pêches. Justement, la veuve possédait, dans son courtil, un pêcher qui, cette année-là, avait des fruits superbes. Il dit à son fils aîné, « Il faut remplir un panier de pêche et les porter au roi. »« Sans compter... répondit le gars, qui était un fieffé paresseux. « J'épouserions bien la fille du roi pour n'avoir rien à faire. » Il cueillit des pêches et se dirigea vers la demeure royale. Chemin faisant, il fit la rencontre d'une vieille mendiante qui lui demanda, « Que portes-tu donc si précieusement dans ton panier ?» Le gars, peu poli, répondit « Des œufs, ma bonne femme !»« Prends garde qu'ils soient éclos avant d'être rendus à destination. » Lorsqu'il arriva dans la cour du palais, le roi, qui s'y promenait, lui dit « Qu'as-tu là, mon garçon ?»« Des pêches, sire. Montre-les-moi. » Le jeune gars ouvrit le panier, et aussitôt toute une couvée de petits poussins se sauva dans la cour. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria le roi. « Veux-tu te moquer de moi ? Sors d'ici que je ne te revois pas ! Où sont-ce là ? Je te fais jeter dans les oubliettes de mon palais !» Le garçon ne se le fit pas répéter deux fois. Il se sauva raconter à sa mère ce qui lui était arrivé. « Tu n'es qu'une bête !» répondit la bonne femme. « Ton frère cadet sera plus malin que toi. » Le lendemain, elle appela son second fils. « Cueille des pêches, mon enfant, et porte-les au roi pour épouser sa fille. » Le cadet obéit à sa mère et s'en alla vers le palais. Lui aussi rencontra la vieille mendiante qui lui demanda ce qu'il portait ainsi. « Des crapauds, la curieuse !»« Prends garde de dire vrai !» Lorsque le roi fut informé qu'on lui apportait des pêches, il ordonna d'introduire le petit paysan. « Montre-moi tes fruits, mon ami !» Le jeune homme ouvrit aussitôt son panier et de gros crapauds se sauvèrent dans tous les coins du château. « Misérable !» s'écria le roi. « Tu m'apportes des crapauds, je vais te faire arrêter !» Mais le gars n'attendit pas son reste et s'enfuit à toutes jambes. La mère, têtue comme une bretonne qu'elle était, dit à ses deux aînés « Vous n'êtes que des sots. Votre jeune frère seul a de l'esprit. » Elle appela ce dernier, lui cueillit elle-même des pêches et l'envoya chez le roi. Il rencontra, comme ses frères, la mendiante qui lui demanda ce qu'il portait ainsi. « Des pêches, ma bonne femme, » répondit-il. « Montre-les-moi. » Le jeune homme ouvrit son panier. La vieille toucha chaque pêche qui atteignit aussitôt une grosseur prodigieuse. Le paysan continua son chemin et ne tarda pas à arriver au palais. Il eut bien de la peine à obtenir d'être conduit près du roi, qui avait encore présent à l'esprit les poussins et les crapauds. Mais lorsque Louis, c'était son nom, eut fait voir ses pêches aux domestiques, ceux-ci s'en allèrent bien vite prévenir leur maître que cette fois, on lui apportait des pêches comme il n'en avait jamais vu. Le souverain ne connaissait rien au monde meilleur que ses beaux fruits veloutés et, comme il était fort gourmand, il s'empressa d'aller admirer ceux qu'on lui apportait. En les voyant, il s'écria « Tu épouseras ma fille, car personne ne possède de plus belles pêches !» La princesse, qui était arrivée elle aussi, appuyée sur le bras du ministre favori, dit à ce dernier « Je ne veux pas épouser ce petit rustre. Faites en sorte de me tirer d'embarras et je vous récompenserai. » Le ministre se tournant immédiatement vers le roi s'exprima ainsi. « Sire, ce sont de belles pêches, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas obliger votre chère fille à épouser ce garçon sans savoir s'il est intelligent. Or, Je propose de lui confier 30 lapins à garder dans la forêt voisine. Si, pendant 3 jours, il les ramène chaque soir tous les 30, le mariage sera conclu. Accepté, dit le roi. On mit aussitôt 30 lapins dans un sac qu'on plaça sur le dos du pauvre gars. Ah, me voilà bien loti, pensait ce dernier en lui-même. Garder 30 lapins sans en voir un seul s'échapper doit être aussi difficile que de garder un boisseau de souris. Il s'en allait ainsi tout penaud lorsqu'il rencontra la mendiante. Quel air malheureux tu as, mon garçon. Conte-moi donc bien vite tes chagrins. Le gardeur de lapins lui confia ses infortunes. Il fut tout surpris de la voir rire. Ne crains rien, mon ami. Je t'ai pris sous ma protection et je veux te tirer d'embarras. Puissiez-vous dire vrai? Tiens, voici un sifflet que je te donne. Et n'importe où seront tes bêtes, elles viendront dans ton sac quand tu les auras appelées 3 fois. Serait-ce possible? Vous êtes donc une fée? Va toujours et aie confiance. Le berger improvisé se dirigea vers la forêt et mit ses animaux en liberté. Ils étaient charmants à voir, ces petits lapins, trottant la queue en l'air au milieu du thym et du serpolet, semblant ravis de prendre ainsi leurs ébats. Tout en les admirant, le gardien vit avancer vers lui un charbonnier qu'il reconnut bientôt, malgré son déguisement, pour être ministre du roi. « Vous gardez des lapins ?» lui dit le nouveau venu. « Mais oui, maître charbonnier. »« Voulez-vous m'en vendre un ?»« Nenny, ces animaux ne sont point à moi. Je ne puis les vendre. » « Bast, vous direz que vous en avez perdu un, et je vous le paierai le prix que vous voudrez. »« Non, je ne vous en vendrai pas. Mais cependant, si vous tenez tant que ça à en avoir un, grimpez sur le haut du rocher que v'là devant vous, et laissez-vous glisser jusqu'en bas sur le derrière. Je tiendrai ma parole, je vous le promets. »« Ce que vous demandez là est absurde. Je déchirerai mes vêtements et laisserai une partie de moi-même sur les ronces et les cailloux. »« C'est à prendre ou à laisser. » Le ministre, qui avait promis à la princesse de lui rapporter un lapin, escalada le rocher et se laissa choir ensuite jusqu'en bas. Toute la partie de son corps exposée au rocher et aux broussailles fut affreusement déchirée, mais il eut son lapin. Louis suivit le charbonnier et, lorsqu'il le vit entrer dans la cour du château, il siffla 3 fois. Aussitôt, les 29 lapins restés dans la forêt, ainsi que celui qu'il avait donné, vers se glisser dans son sac. Le lendemain, le jeune gars, en reconduisant ses bêtes dans les bois, rencontra un particulier, habillé en paysan, qu'il reconnut pour être le roi et qui lui demanda à acheter un lapin. « Je ne vous le vendrai pas. Je vous en ferai cadeau si vous consentez à faire 36 culbutes. » Le souverain fut bientôt humilié du pareil réponse. Mais, comme il espérait se débarrasser d'un gendre qui déplaisait à sa fille et que, d'un autre côté, personne ne le voyait, il exécuta de ses mauvaises grâces les 36 sauts exigés. N'étant pas habitué à une pareille besogne, il sua sang et eau, mais il eut son lapin. Le berger le suivit pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé et, lorsqu'il vit le roi entrer dans la cour du palais, il siffla 3 fois. Et les 30 lapins vinrent se musser dans son sac. Le surlendemain, dernier jour d'épreuve, ce fut la princesse, déguisée en bergère, qui vint elle-même lui demander une de ses petites bêtes. « Vous êtes bien trop jolie pour que je vous refuse ce que vous demandez. Mais cependant, j'y mets une condition. C'est que vous allez m'embrasser. » La jeune fille ne trouva pas le gars aussi bête qu'elle le supposait et l'embrassa. Quand elle fut de retour dans sa chambre avec son lapin, elle regretta presque d'être allée le chercher. Le soir venu, Louis siffla 3 fois. Et juste à ce moment, les portes du palais, qui étaient ouvertes, permirent au lapin prisonnier d'aller rejoindre ses camarades. Le jeune gars, son sac sur le dos, s'en alla demander la main de la princesse. Mais le ministre, qui lui gardait rancune, lui dit que la fille du roi exigeait une dernière épreuve qui consistait à remplir un sac de vérité. « Ce sera bien aisé, » répondit le garçon, piqué au vif. « D'abord, la première vérité qui entrera dans mon sac sera l'histoire qui vous est arrivée dans la forêt et dont vous conservez encore les marques. Tais-toi, petit misérable! S'écria le ministre. La seconde sera l'aventure du roi. Et la troisième, c'est de la princesse elle-même. Mais tu viens te taire, mauvais drôle! Répondit le roi. Si l'on apprenait que j'ai fait 36 culbutes, tout le monde se moquerait de moi dans mon royaume! Quant à moi, ajouta la princesse, vous pouvez dire que je vous ai embrassé, et de bon cœur, car vous êtes un garçon d'esprit et je consens à vous épouser. Elle lui tendit la main, au grand désespoir du ministre, et la noce eut lieu sans délai. Jamais mariage ne fut plus beau, et l'on en parle encore à Pléchâtel, où il se fit du temps que le roi breton Salomon habitait cette paroisse. Conté par Pierre Gérard, garde champêtre à Pléchâtel.